volume legal. Não pode. Não, não pode. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour la Red Arc du sport de l'été. Ravi de vous retrouver. On est lundi 17 juillet, 19h30, vous le savez, hein, pendant les vacances horaires estivales avec une émission 19h30 jusqu'à 20h30, 21h30 en fonction de l'actualité. Voilà, il y aura encore des choses ce soir, hein, évidemment. On n'aura pas Hugo avec nous, qui n'a pas la chance d'être avec nous ce soir, mais qu'on retrouvera bien évidemment la semaine prochaine. Pour évidemment parler foot, où il y aura encore plein de choses à dire, hein. Le foot, il se lancera aussi question tout à l'heure, puisqu'on reviendra sur l'équipe de France féminine, hein, qui prépare son mondial à quelques jours de l'ouverture. Et bien les Bleus sont inclinés pour leur dernier match de préparation face à l'Australie, on en reparlera tout à l'heure. Et puis évidemment, comme d'habitude, les quelques infos foot mercato qui continuent d'animer évidemment cette période estivale. On aura évidemment du tennis qui sera l'un des sujets majeurs ce soir avec Wimbledon. Et évidemment, on reviendra sur la victoire hier de Carlos Alcaraz, l'Espagnol, qui s'est imposé pour la première fois à Wimbledon et qui remporte son deuxième titre du Grand Chelem. Il a battu en finale Novak Djokovic dans un match assez fou, on en reparlera tout à l'heure. Djokovic qui était, lui, pour sa part, en place pour peut-être un huitième titre. Et bien c'est l'Espagnol qui a fait craquer le Serbe, on en reparlera tout à l'heure. On aura aussi, bien sûr, le Tour de France avec l'étape d'hier, hein, on en parlera. C'était le repos aujourd'hui. Puis on vous présentera les dernières étapes à venir, encore du lourd, hein, encore de la montagne avant évidemment cette dernière journée de dimanche et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Du rugby aussi avec la victoire des Bleus, les jeunes qui se sont imposés lors de la finale du mondial. Donc, champion du monde U20, c'est donc le sujet aussi tout à l'heure face à l'Irlande. Et puis on parlera aussi du basket un petit peu, il y a quelques infos, du handball aussi, deux, trois quelques infos. Et puis voilà, tout ça nous amènera tranquillement jusqu'à la fin de l'émission. Et puis bien sûr du son tout au long de l'émission. Vous choisissez aussi le son qu'on écoutera tout au long de l'émission. Vous faites votre choix sur Facebook, soit le Facebook La Red Arc du Sport, ou sur WhatsApp. Vous pouvez aussi directement nous contacter via WhatsApp pour proposer vos titres. Voilà ce que le programme de ce soir, donc plein de choses. Pour nous joindre, je vous le rappelle, deux possibilités, le Facebook donc et le numéro 02 38 434 800, c'est le standard, bien sûr, 02 38 434 800. Et vous pouvez intervenir à tout moment pour évoquer un sujet avec moi, et n'hésitez pas donc à le faire. Et puis pour nous écouter, eh bien ça se passe sur le 96.2 FM, ou ça se passe également sur le site radio-arc-en-ciel.com, où vous pouvez suivre le direct partout dans le monde. N'hésitez pas donc à vous connecter sur le site, et vous pourrez trouver aussi toutes les infos sur les programmes. Alors il y a pas mal de vacances, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions qui n'auront pas lieu tout au long des vacances. C'est le cas aussi pour Manu notamment, que je salue, qui normalement a ma place à cette heure-ci, mais que vous retrouverez bien sûr début septembre pour la rentrée d'On The Rocks. Maroon 5, c'est tout de suite avec Memories, et puis on nous revient juste après pour le début du programme. À tout de suite, 19h33. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever. Everything will stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Do do do do do do do do do. Five Memories, c'était ce premier titre, et puis proposer bien sûr pour la suite vos titres. Ce sera Tyrann tout à l'heure qu'on écoutera lors de la deuxième pause. On démarre avec quelques brèves d'abord, quelques brèves de handball, une brève surtout handball importante. On avait parlé la semaine dernière du tirage au sort des Bleus, hein, des filles pour le mondial. Voilà, dont on en a parlé. Et là, ce soir, eh bien, une bonne nouvelle qui concerne deux clubs français, à savoir Nantes et Chambéry, qui sont directement qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue européenne, qui est la deuxième compétition européenne après, bien sûr, la Ligue des Champions. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui la Fédération européenne. Donc, les deux représentants français étaient directement qualifiés pour la phase de groupe, donc sans passer par le tour préliminaire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On le sait, avec des tours préliminaires qui sont parfois piégeux. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là, puisque ces deux équipes, nos deux clubs français, sont directement qualifiés dans une formule qui a encore été modifiée d'ailleurs, de la Ligue européenne, qui garantit donc 6 matchs désormais pour ces deux clubs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos deux clubs français. Donc 16 octobre pour le début de la phase de groupe, et puis le tirage au sort, lui, il aura lieu vendredi à Vienne, et on connaîtra donc les deux groupes avec... les 8 groupes, pardon, avec les deux premiers qui se qualifient seulement, hein, pour le tour principal. Donc une formule encore assez compliquée. Et donc 4 groupes de 4 ensuite pour ce tour principal. Et le premier à ce niveau-là de tour principal qui rejoint les quarts de finale. Donc c'est vraiment très fermé pour se qualifier. Il va falloir être costaud dès le début pour nos clubs français. Et puis chez les femmes, Nantes, Chambray et Dijon, elles par contre passeront par les tours préliminaires de cette Ligue européenne féminine. Donc il va falloir déjà passer par ce tour préliminaire qui auront lieu mi-novembre. On en reparlera donc à nouveau à ce moment-là. Voilà pour cette petite brève de handball. Et puis bah, maintenant on attend, on le disait, la reprise, hein, pour Sarah notamment, qui va retrouver l'élite et qui va retrouver le chemin de l'entraînement dans quelques jours, afin évidemment de se préparer à cette nouvelle saison qui se passera au Palais des Sports. Désormais, on le rappelle, hein, Sarah qui change de salle et qui passe de la Almazuka au Palais des Sports, hein, laissé vacant par le basket, qui va retrouver donc cette grande salle, et puis qui jouera également au Comet de temps en temps lors des grands événements. Voilà pour le handball. Basket, une grosse nouvelle, une bonne nouvelle, c'est la victoire des Bleuets qui ont été sacrés à l'Euro U20. C'était hier lors d'une finale qui a été jouée aux prolongations. Donc l'équipe de France U20 est devenue championne d'Europe en dominant Israël en finale hier. Voilà, donc une relève était attendue, elle est là, cette relève française, on l'espère maintenant. Premier sacre européen pour cette génération. La dernière fois c'était en 2010, hein, avec génération Albici notamment, et une finale qui s'est jouée donc aux prolongations 89-79, avec des Bleus pourtant largement dominateurs dans le temps réglementaire, et puis qui se sont fait rejoindre en fin de rencontre, mais finalement ils ont fait le trou dans la prolongation, et donc ils s'imposent champion d'Europe, donc en battant Israël en finale, donc les jeunes U20. Bravo à eux, et concernant le basket, on attend évidemment aussi les reprises, notamment des championnats de France et puis la NBA évidemment. Il y aura des matchs de préparation aussi pour Orléans évidemment, on en reparlera, qui connaît aussi son calendrier de Pro B, hein, qui a été dévoilé, ainsi que celui de la Baltique Elite. Voilà le calendrier 2023-2024 qui démarre les 16 et 17 septembre. Voilà le coup d'envoi de 10 mois de compétition et puis des playoffs qui auront lieu du 17 mai au 15 juin. Voilà, au plus tard, puisqu'on le sait, il y a toujours les playoffs qui peuvent durer. Et voilà, donc il y aura aussi les fameux All-Star Games, le Leaders Cup évidemment, qui se joue comme d'habitude. Et puis les matchs donc se déroulent du samedi au dimanche désormais, et puis ce sera toujours la chaîne L'Équipe qui diffusera la plupart de ces rencontres. Voilà donc pour le calendrier que l'on attend, donc encore beaucoup de temps pour se préparer avant le début de cette nouvelle saison. Et puis également la NBA qui reprendra un peu plus tard au mois d'octobre, mais il y aura aussi évidemment des matchs de préparation d'ici là. Voilà le basket, donc 2-3 brefs simplement, mais à retenir ce beau titre des Bleuets de l'équipe de France et qui sont imposés donc lors du championnat d'Europe. On va parler du Tour de France, évidemment aussi. Le Tour de France, c'est l'autre grosse actualité de la semaine. On parlera aussi de Wimbledon, qui était la grosse actualité du week-end, évidemment. Mais on commence avec le Tour de France. Tour de France avec une journée de repos aujourd'hui, comme c'est le cas habituellement. On a suivi, évidemment, cette étape hier. Une étape qui s'est jouée encore une fois sur les monts pardon, et on a toujours un classement équivalent avec Jonas Vingegaard en tête avec 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Il n'y a pas eu de mouvement hier entre ces deux-là et ils ont fini toujours avec la même avance. Et puis derrière, assez loin maintenant, Carlos Rodriguez 3e à 5.21, Adam Yates 4e à 5.40, et puis le premier français, c'est David Godu qui est 9e. Il accuse 14 minutes de retard avec Guillaume Martin qui est juste derrière lui. Avec un peu plus de 14 minutes également de retard. Hier, c'était donc l'étape entre Leggetz et Saint-Gervain-Mont-Blanc, victoire de Poels, donc qui détient toujours le maillot à poids d'ailleurs, hein, Wouter Poels. Wout van Aert, le Belge, 2e, Mathieu Burgeaudeau, le Français, 3e. Et puis on retrouve aussi d'autres Français un peu plus loin, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, qui sont un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de Français, on a Van Bargeil aussi, 10e, donc on retrouve pas mal de Français. Et puis donc Pogacar, Vingegaard, 16 et 17e, à un peu plus de 6 minutes, mais statu quo donc entre les deux. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. À retenir surtout la journée de samedi aussi, avec un Tadej Pogacar qui a été un petit peu bloqué, hein, par les motos. Ça a évidemment beaucoup fait parler. Il n'a pas pu attaquer comme il le souhaitait et il a perdu peut-être beaucoup de temps dans cette affaire. En tout cas, les 10 secondes sont toujours là, mais encore des chances de revenir, puisqu'il va rester déjà demain contre la montre entre Passy et Combloux, 22 km 400. Ça va être aussi l'occasion de regrappier quelques secondes pour Pogacar, qui, l'on sait, est l'un des spécialistes de la discipline. Et puis ensuite, il y aura encore quelques étapes de montagne. Saint-Germain-Mont-Blanc, Courchevel, ce sera mercredi. Moutier-Bourg-en-Bresse, ce sera donc jeudi. Ensuite, on aura Moirans-Montagne-Poligny pour vendredi. Une grosse étape montagne encore avec des premières catégories. Hors catégorie, ce sera entre Belfort et le Marc V Fellering. Ce sera samedi. Et puis, évidemment, pour finir, Saint-Quentin-en-Yvelines, Champs-Élysées, où il se passera plus grand chose, mais c'est surtout cette étape de samedi qui peut faire une différence. En tous les cas, Pogacar sait ce qu'il a à faire. Il va déjà essayer de reprendre évidemment des points demain lors de ce contre-la-montre. Ce sera à suivre donc à partir de 14h30. Et puis pour les maillots, eh bien ça n'a pas bougé pour l'instant. Les maillots, les différents maillots, avec le maillot meilleur grimpeur. Il est pour Ciccone, l'Italien, qui est leader aux côtés de Nelson Powells, l'Américain, donc toujours 58 points chacun. Vingegaard qui est pas loin, 54 points, qui pourrait pourquoi pas aller grappiller aussi le maillot à poids. On a également le maillot de meilleur

shape of you. Ed Sheeran, Shape of You, à l'instant sur Arc-en-Ciel, 19h50, et on va tout de suite poursuivre avec le programme qui continue. Du rugby, c'est le programme maintenant. Du rugby avec 3-4 informations comme d'habitude. Tout d'abord, la victoire des Bleuets champions du monde U20 pour la troisième fois consécutive. C'est ce qu'a réalisé cette équipe de France jeune, cette équipe de France espoir, face à l'Irlande. Victoire, large victoire, même 50-14. C'était vendredi soir face à l'Irlande. Contre qui pourtant elle avait souvent perdu ces derniers temps, hein, qui était la bête noire des Bleus. Et bien victoire assez large donc de notre équipe de France qui donc s'impose pour la troisième fois consécutive dans cette compétition 2018-2019 et 2023, puisque les trois éditions précédentes avaient été annulées en raison du Covid. Et cette finale donc largement dominée de la tête et des épaules, 7 essais au total pour les Bleus, un récital encore une fois qui leur permet de s'imposer une troisième fois et donc bah également de donner peut-être des idées à leurs aînés qui joueront maintenant dans un peu plus de 2 mois le début du mondial, et on a hâte aussi d'y être donc avec évidemment une équipe qui sera, on l'espère, aussi compétitive. Et puis bah ça va aussi donner des idées pour cette jeune génération qui va avoir envie évidemment de participer aux prochains événements des grands. Mais en tout cas, une grosse performance des Bleus, 50-14 victoires donc face à l'Irlande en finale de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. 7 essais au total, donc encore une fois une grosse performance à signaler. Et puis c'est vrai que tout au long de la compétition, des Bleus qui ont été impériaux hein, et qui ont remporté tous leurs matchs hein, que ce soit en phase de poule ou évidemment après en phase finale, mais en tout cas à retenir cette grosse performance française. Le mondial osé qui arrive début septembre, Jonathan Sexton, l'Irlandais, lui pourra participer à cette Coupe du Monde. C'était le point qui était en suspens pour le moment, et il a été sanctionné, on le rappelle, pour un mauvais comportement en marge de la finale de la Champions Cup. C'était contre La Rochelle fin mai. Jonathan Sexton qui n'avait pas pu jouer cette rencontre, mais qui avait eu un mauvais comportement auprès de l'arbitre de la rencontre, le Sud-Africain Jaco Peiper, et à l'issue du match, il avait eu un comportement hostile, agressif ou encore respectueux à l'égard des officiels du match, et il a été donc sanctionné hier par la Fédération internationale pour donc mauvais comportement. Il a copé 3 matchs de suspension, mais il sera donc qualifié à temps pour le début de la Coupe du Monde, qui aura lieu donc du 8 septembre au 28 octobre, on le rappelle. Puisque ces 3 matchs de préparation pour l'Irlande, ce sera le 5, et le 19 et le 26 août. Et il sera requalifié à partir du 27, donc avant le début du mondial. Donc c'est la bonne nouvelle pour l'Irlande qui pourra compter sur lui, et puis on le rappelle, ce sera son dernier mondial avant la retraite hein, puisqu'il a été sélectionné dans la liste de 42 joueurs qui a été dévoilée par Andy Farrell, le coach sélectionneur du 15 de la trèfle. Et donc voilà, il a annoncé que ce serait son dernier tournoi pour lui avant donc une retraite, mais l'Irlande pourra bien compter sur lui. Il sera là dès le début du mondial puisqu'il n'y aura que 3 matchs de suspension pour lui après cette sanction. Pour finir avec le rugby, autre information, le début aussi d'une autre compétition dans l'hémisphère sud, le Rugby Championship, anciennement le tournoi des 4 nations, avec on le rappelle, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Australie. C'était la deuxième journée ce week-end, victoire de la Nouvelle-Zélande qui enchaîne après sa victoire en Argentine la semaine passée, et victoire cette fois face à l'Afrique du Sud 35-20. 35-20 avec à noter 4 essais dont 3 transformés et puis 3 pénalités. L'Afrique du Sud 3 essais également, mais c'est bien les All Blacks qui s'imposent largement après notamment une première période largement dominée, et donc ils conservent leur avance en tête du classement avec 9 points. L'Afrique du Sud 5 points du coup qui a perdu cette deuxième rencontre. L'Argentine qui a fait l'exploit d'aller battre l'Australie à l'extérieur en plus 34 à 31, c'était également lors de cette deuxième journée, avec 4 essais transformés de chaque côté d'ailleurs. C'est les pénalités qui auront fait la différence sur cette rencontre. Donc l'Argentine qui en profite pour prendre la troisième place derrière l'Australie, qui avait déjà perdu d'ailleurs en Afrique du Sud la semaine passée assez largement, et qui pour l'instant a perdu ses deux premières rencontres, mais qui aura l'occasion de se refaire. Il restera encore une journée, ce sera dans 15 jours, Australie, Afrique du Sud, et puis Afrique du Sud. Australie, Nouvelle-Zélande, pardon, et Afrique du Sud, Argentine. Voilà, la Nouvelle-Zélande qui, déjà avec 2 victoires, est en bonne position pour s'imposer dans ce rugby championship, donc qui était un petit peu allégé. Hein. Il y avait avant cela des matchs aller-retour, et puis désormais on joue une seule fois contre chaque adversaire. Donc ça sera déjà terminé après cette troisième journée, dont on reparlera donc dans 15 jours. Voilà pour le rugby, donc pour les infos de la soirée. On en reparlera évidemment la semaine prochaine, et puis on reparlera tout au long de la préparation des Bleus, hein, de cette Coupe du Monde. Il y aura évidemment pas mal de matchs de préparation à venir. On aura l'occasion de reparler avec aussi la liste définitive que annoncera Fabien Galthié dans quelques semaines. Voilà pour le rugby, on referme cette page. On va passer au tennis, évidemment aussi. L'autre grosse actualité de la semaine et du week-end, avec cette finale hier de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic, qu'on a vécu, que vous avez peut-être vécu hier, avec un match au scénario assez fou. Et c'est l'Espagnol qui a réussi à s'imposer dans cette finale. Au dépens donc du Serbe qui était dans l'espoir de s'imposer pour un 8e titre à Wimbledon, et puis surtout un 24e titre du Grand Chelem, et ainsi rejoindre Margaret Court, qui est la recordman dans la matière. Mais c'est l'Espagnol qui a inversé cette tendance, qui a pris le meilleur sur le Serbe en 5 manches. Le score 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Voilà, plusieurs faits de jeu. D'abord, une première manche évidemment largement dominée par le Serbe. Un tie-break dans la deuxième manche où Novak Djokovic a eu une balle de 7 et qu'il n'a pas réussi à convertir. Là où on sait pourtant c'est l'un de ses disciplines favorites, hein, le tie break, puisqu'il s'impose, il avait remporté les 15 derniers tie break qu'il a joué, et cette fois c'est l'Espagnol qui a réussi à inverser la tendance et s'imposer dans ce tie break. Ensuite là aussi une troisième manche un peu lâchée par le Serbe, puisqu'il a incliné 6-1 dans cette troisième manche, et puis on le pensait un petit peu abattu, et puis finalement, et comme il fait souvent, il a réussi à revenir dans cette quatrième manche 6-3 avant de se faire breaker dans la cinquième et dernière manche, après pourtant avoir eu une balle de break, hein, sur une volée à manquer. Et c'est bien l'Espagnol qui s'impose, donc deuxième victoire dans un tournoi du Grand Chelem après l'US Open, première victoire à Wimbledon pour son deuxième tournoi sur gazon seulement. On rappelle qu'il avait remporté le Queen's avant ce tournoi, et donc une place de numéro 1 mondial aussi qui va être maintenue par l'Espagnol qui continue de nous épater à seulement 20 ans. C'est ce qu'a aussi annoncé lors de la remise des récompenses Novak Djokovic, qui était impressionné par le niveau de jeu de l'Espagnol, dont on parle beaucoup, avec des coups un petit peu de chaque grand joueur. On pense bien sûr à Roger Federer ou Rafael Nadal, et puis aussi Novak Djokovic. Il a pris un petit peu le meilleur de chacun, et pour l'instant c'est bien lui qui donc est en haut et qui va donc continuer sa course. Et puis pour le Serbe, il va falloir se relever. Il n'y aura pas de Grand Chelem cette année, hein, voilà. C'était aussi son objectif de l'année. Et puis évidemment rejoindre Federer avec 8 titres à Wimbledon. Il va falloir encore attendre pour l'Espagnol, pour le Serbe, pardon. Mais il y aura l'US Open, évidemment, déjà, pour essayer de revenir à 24 Grand Chelem, ce sera l'objectif. Et puis il y aura Alcaraz aussi, évidemment, qui lui avait déjà remporté le titre là-bas. Donc ça va être assez aussi intéressant à suivre cette fin de saison qui nous attend, avec un tournoi de US Open qui aura lieu fin août, début septembre. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Un petit mot sur les dames aussi, avec la victoire de la Tchèque Vondrousova, qui s'est imposée face à Anne Jaber, la Tunisienne. C'était leur première finale pour toutes les deux, et victoire donc de la Tchèque 6-4. 6-4, voilà, elle a pris le meilleur sur la Tunisienne, qui s'incline à nouveau lors d'une finale de Grand Chelem. C'est la troisième qu'elle perd. Vondrousova en avait déjà perdu deux. Et voilà, c'est bien la Tchèque. 42e mondiale seulement. Hein. On rappelle que Jabeur était 6e mondiale, mais c'est bien elle qui a pris le meilleur et qui remporte donc ce titre à Wimbledon. Et voilà, qui s'impose pour la première fois donc dans un tournoi du Grand Chelem. À noter également un petit mot du classement ATP, puisque ça a un petit peu bougé évidemment après ce tournoi. Alcaraz qui conforte sa première place évidemment, puisque Novak Djokovic a perdu 1000 points, les 1000 points de sa défaite. L'Espagnol en a grappillé un petit peu après cette victoire. Il reste en haut donc avec une avance de 880 points face aux Serbes, mais il va devoir défendre les 2000 points de sa victoire à l'US Open qu'il avait acquis l'an passé. Donc il y aura évidemment fort à faire sur la fin de saison. Et Djokovic, lui, n'avait pas participé, on rappelle, à l'US Open, puisqu'il n'était pas vacciné à l'époque, que le pays ne autorisait pas sa venue. Et donc, il aura évidemment tout le luxe de prendre un maximum de points pour revenir sur l'Espagnol. Dans le reste du top 10, pas de changement. Medvedev est toujours troisième. On a ensuite Zverev qui réintègre le top 20, il est 19e. Et puis à noter le parcours de Christopher Eubanks, l'Américain, est auteur d'un incroyable parcours. Il gagne 12 places, il est 31e mondial, c'est son meilleur classement. Voilà. Et puis les Français, toujours assez loin. Manarino 38e, c'est le premier Français. On a ensuite Hugo Humbert 40e, Gasquet 49e, ou encore Grégoire Barrard 50e. Voilà pour l'instant le triste bilan des Français qui sont encore très très loin. Donc au classement. Et puis chez les dames, très peu de changements là aussi, hein, puisque le top 10 a été seulement bougé en bas du top 10, hein. Petra Kvitova récupère la 8e place, Maria Sakkari la 9e place, et puis Markéta Vondrousova, la plus grosse progression, 32 places de gagnée après son titre, elle est 10e tout simplement, elle intègre le top 10. Gaziantep toujours là en tête, hein. Sabalenka, ça n'a pas bougé. Caroline Garcia toujours la première française, 5e. Et puis donc, à noter aussi une grosse progression, celle d'Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils, 49 places de gagnée. Elle est 27e après sa demi-finale de Wimbledon. Donc là aussi, une belle percée pour elle qui revient très très fort. Chez les Françaises, on a ensuite Varvara Kracheva, 43e, Alizé Cornet, 68e, Diane Parry, 82e, et puis Clara Burel, 94e. Ce sont les 5 joueuses qui font partie du top 100 féminin. La suite du tennis continue, bien sûr. Après Wimbledon, il y aura d'autres tournois. Évidemment, ce sera un gros repos pour les cadors qui ont été loin dans ce tournoi de Wimbledon. À noter aussi quand même, en parallèle de Wimbledon, il y avait deux tournois où deux Français sont imposés. Benoît Paire qui fait son grand retour dans une compétition où il s'impose. C'était à San Benedetto, victoire face à Richard Gasquet d'ailleurs, un autre Français qui était la tête du Suédois numéro 1 du tournoi. Victoire en 3 manches, 4-6, 6-1, 6-1. Benoît Paire revient enfin en forme. Voilà, on sait que ça a été compliqué pour lui ces derniers mois et ça y est, il revient. En tout cas, il s'impose une nouvelle fois donc face à Richard Gasquet. Et puis un autre Français aussi qui s'est imposé, c'est Hugo Gaston. Qui s'est imposé de son côté également en 3 manches face à Zapata Amirón, l'Espagnol, donc dans un tournoi challenger aussi, hein. C'était des tournois challenger pour tous les deux, mais on a quand même des Français qui s'imposent et voilà, qui grappillent quelques points. Cette semaine, on aura rien de majeur, hein. On aura encore quelques tournois sur terre battue, voilà, mais c'est encore des petits tournois, et puis reprise vraiment aux choses sérieuses la semaine d'après avec Hambourg et sur ATP 500, et puis Atlanta notamment sur dur, où la saison sur dur va démarrer officiellement avec Atlanta avant de retrouver Washington notamment, les plus gros tournois qui arrivent ensuite, et on retrouvera l'US Open évidemment au mois d'août qui va clôturer la saison sur dur. Il y aura l'Open du Canada comme d'habitude, Cincinnati, voilà, vous en avez l'habitude, les tournois de préparation de l'US Open qui auront lieu donc tout au long du mois d'août avant de finir avec l'US Open, et puis ensuite il y aura la fameuse tournée asiatique qui clôturera la saison, mais on aura l'occasion bien sûr d'en reparler d'ici là. Et pour le tennis, eh bien, ça continue évidemment tout au long de cette fin du mois de juillet avec des Français. On espère qu'ils continuent de s'imposer. Une dernière pause avant de finir avec le foot, là dans la prochaine dernière demi-heure d'ailleurs. Et puis on finira comme d'habitude avec l'agenda. Il y aura encore des petites choses cette semaine, ça va se petit à petit baisser de plus en plus, il y aura de moins en moins de choses, mais il y aura quand même des petites choses à vous annoncer comme comme programme tout au long de cette semaine, avec évidemment le Tour de France notamment qui jouera sa dernière semaine. On va donc écouter Imagine Dragons tout de suite pour continuer dans le son, et puis on va revenir donc avec cette dernière partie de foot où là aussi il y a encore des petites choses à donner. C'est Bad Lears tout de suite sur Arc-en-Ciel avec donc Imagine Dragons. My dear, it's been a difficult year. Terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a bloodless year. I'm a Bad Liar, c'était Imagine Dragons pour l'avant-dernier titre de l'émission 20h10 et on poursuit avec avec le foot désormais, le foot avec dont on va parler notamment de l'équipe de France féminine qui prépare son mondial qui est arrivé, on le sait, depuis une semaine en Australie pour y disputer son mondial. On aura aussi quelques brefs sur la en Ligue 1. Avec quelques matchs amicaux, on aura le mercato comme d'habitude. Et voilà, et puis quelques infos voilà qu'on a aussi par-ci par-là. On commence avec l'équipe de France donc qui était battue pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde face à l'Australie, justement le pays hôte, 1-0. C'est la première défaite d'Hervé Renard, qui est resté sur 3 succès depuis qu'il est à la tête des Bleus. Mais voilà, première petite défaite, voilà, qui peut inquiéter, mais voilà, ça reste anecdotique. Il va falloir continuer à travailler jusque là. On rappelle que l'équipe de France démarrera son mondial le 23 juillet. Ce sera à midi face à la Jamaïque. Et voilà, donc une première défaite pour Hervé Renard. Une autre mauvaise nouvelle, c'est la sortie sur civière de Selma Bacha en toute fin de match, qui a été touchée à la cheville gauche sur un contact lors du temps additionnel. Et on a appris samedi qu'elle va rester dans le groupe, la Française, victime donc d'une entorse à la cheville gauche. Elle va rester dans le groupe, on espère en tout cas que ça sera bon pour elle. Donc pas de fracture, hein, c'est ce qu'a révélé la radio qu'elle a passée dans la foulée, hein, à Melbourne. Et donc il y a également une IRM. Ça, pour le coup, ça devrait, donc une entorse, ça devrait quand même le faire, puisque pas tout à fait tenu cette gravité. Donc on n'a pas de durée d'indisponibilité, donc elle reste pour l'instant avec le groupe. En tout cas, sa présence lors du premier match semble assez compliquée pour elle. Mais voilà, en tout cas, elle reste dans le groupe, c'est ce qu'elle souhaitait. La Française, on le sait, est en pleurs lors de sa sortie. Et on espère qu'elle pourra rejouer d'ici là. Mais voilà, le compte à rebours est lancé pour elle. Pour Selma Bacha, donc on le sait, les Bleus sont victimes d'une série de forfaits depuis quelques semaines. Et on espère que ce sera pas le cas pour elle, puisque ça commence à faire beaucoup pour les Bleus, donc qui démarrent le 23 juillet, donc cette compétition. Donc on rappelle, c'est à midi, des horaires assez simples pour les Françaises, puisqu'elles joueront à midi lors des trois premiers matchs de groupe, pardon. Donc c'est assez simple. Il y aura donc, on le rappelle, la Jamaïque qui sera le premier groupe, le premier adversaire des Bleus. Voilà, normalement un adversaire largement à la portée de l'équipe de France pour lancer son mondial. Il y aura ensuite le Brésil qui sera l'adversaire plus costaud du groupe le 29, et puis le 2 août il y aura le Panama, là aussi un adversaire normalement un peu plus faible qui sera pour clôturer cette phase de groupe. Et ensuite évidemment la suite qu'on connaît avec les huitièmes de finale. Il y aura deux premiers qualifiés à chaque fois. On est vraiment sur une Coupe du Monde à 32 comme les garçons, donc c'est vraiment le même format. Donc les deux premiers qui se qualifient pour les huitièmes, voilà, donc pour l'équipe de France qui continue de préparer son mondial donc à partir de la semaine prochaine. On continue avec d'autres infos toujours sur les sélections, avec sélection anglaise chez le Fosse et les garçons qui a changé de capitaine. C'est ce qu'a annoncé donc le sélectionneur donc de l'Angleterre, c'est Eric Ten Hag, qui a annoncé que son défenseur Harry Maguire, qui était jusqu'à maintenant le capitaine de la sélection, eh bien, ça a cessé d'être le capitaine de cette sélection. Voilà, c'est ce qui a été annoncé donc ces derniers jours. Voilà, on ne connaît pas encore son successeur, mais on ne manquera pas de vous informer dès qu'on aura l'information. En tout cas, c'est une petite sanction pour Maguire. Les joueurs et le staff a évidemment été informés. Quelques résultats de matchs amicaux avec l'USO qui a démarré sa préparation pour la rentrée, pour la reprise, qui a été battu pour cette première sortie à Clermont. C'était samedi, défaite 1-0. Donc sur le plus de Clermont, il y aura ensuite encore au moins trois matchs de préparation avant le début du championnat national. D'abord face à Auxerre, ce sera mercredi prochain, le 26 juillet. Il y aura un match face à l'équipe UNFP, rassemblement des joueurs de Ligue 1. Et puis il y aura un dernier adversaire qui aura lieu juste avant le début de la saison. On rappelle ensuite le début du championnat qui démarre. Qui va démarrer un petit peu plus tard que d'habitude. Et donc d'ici là, encore trois matchs de préparation pour l'USO, qui espère évidemment faire mieux cette fois avec une équipe pas encore tout à fait au complète, avec son nouveau coach Bernard Cassoni. On espère que ça va se mettre en place tranquillement pour l'USO. En Ligue 1, enfin et en Ligue 1, en Ligue 2 aussi, La reprise a été depuis un petit peu pour certains. Déjà des matchs amicaux ont lieu. C'est le cas pour Monaco qui a démarré sa préparation avec un match nul face à l'Union Saint-Gilloise. C'était la semaine dernière déjà, un partout, pour lancer ces matchs de préparation, ces matchs de pré-saison. C'était le cas donc pour Monaco. C'était le cas pour Lyon aussi, qui a été s'imposé à l'extérieur 2-1 en Belgique. Défaite de Nice en revanche en Suisse à Lausanne 3-1. Et puis samedi, beaucoup de rencontres avec notamment un nouveau match pour Monaco sévèrement battu à Bruges 3-0. On a Marseille qui s'est imposé 2-0 face à Nîmes pour là aussi lancer sa préparation. Victoire de Montpellier face à Toulouse 3-1 notamment. Et puis hier aussi Strasbourg s'est imposé à Hoffenheim en Allemagne, 2-1 pour là aussi son premier match de préparation. Et puis tout au long de la semaine, il y aura d'autres matchs. Lyon, on ira faire un match de prestige à Manchester United mercredi pour là aussi démarrer sa préparation. Et c'est son premier match donc pour Lyon. Rennes aussi jouera, on aura Lille, on aura Toulouse aussi. Et puis vendredi aussi d'autres matchs avec Paris qui démarrera aussi face au Havre. Ce sera le lancement aussi des matchs de préparation pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on connaît pas encore évidemment les joueurs qui sont présents sur cette rencontre. Samedi, il y aura Marseille à nouveau qui sera sur les terrains. Rennes, Lille, Brest, Monaco à nouveau, à Leeds notamment, Lens face à Dijon. Voilà, ce seront les matchs de samedi. Puis dimanche, Lyon à nouveau jouera, et puis également Nantes face à Angers. Voilà, puis Paris aussi jouera ensuite à nouveau la semaine prochaine. Il y aura un match face à Al Nassr Riyad, notamment le match qui a été programmé. Ce sera le 25 juillet. Voilà, il y aura d'autres rencontres tout au long du mois de juillet. Voilà, et puis il y aura pour Lens aussi une belle rencontre, puisque Lens ira aussi à Manchester United. Hein, ce sera début août pour une belle rencontre de prestige. Monaco ira à Arsenal aussi. Ce sera intéressant. Et puis Paris jouera face à l'Inter Milan, aussi une belle affiche, ce sera le 1er août. Ben, tout ça, on en reparlera évidemment tout au long de ce mois de juillet, de cette belle rencontre, belles affiches qui arrivent, toujours les matchs de pré-saison qui auront lieu tout au long du mois de juillet. Lyon aussi, tiens, une info sur Lyon qui a fait appel dans son affaire avec la DNCG, hein, qui conserve les sanctions d'encadrement de la masse salariale et des transferts, hein, c'est des sanctions qui pèsent sur le club. C'est ce que c'est la DNCG donc aujourd'hui, et donc elle avait hésité finalement, donc elle a fait appel de ces mesures prises à son égard. C'était début juillet, et donc selon les informations, le cas sera étudié demain matin, et puis une décision assez rapide dans l'après-midi sera connue. Voilà, donc a priori c'est assez simple pour l'OL. Il va falloir trouver 50 millions d'euros qui correspond à la vente de l'OL, qui n'est toujours pas effective, hein. 50 millions d'euros qui serviraient à combler les manques, si évidemment d'ici là peut-être la vente de joueurs, et c'est la possibilité pour Lyon de que ces sanctions soient levées. A priori, c'est assez rarement les sanctions sont plus lourdes, mais c'est possible si Lyon ne prend pas les mesures nécessaires. En tout cas, l'appel ce sera demain pour Lyon qui espère évidemment que ces sanctions soient complètement laissées de côté. Tiens aussi une autre info cette fois côté transfert qui concerne Riyad Mahrez mancunien qui est sur la piste du club de Al Ahly, le club saoudien qui accélère le mouvement sur ce dossier avec une première offre à l'égard de l'international algérien. On rappelle il a 32 ans, une offre aux environs de 20 millions d'euros pour le joueur qui on rappelle au contrat jusqu'en juin 2025 avec United. Pour l'instant, on ne connaît pas la position du club. Avec déjà beaucoup de départs, Gundogan notamment, et puis Walker Silva qui serait peut-être aussi sur le départ. En tout cas, l'Algérien lui a envie de continuer pour le moment, mais on verra si le club saoudien sera en mesure de peut-être rajouter un petit peu pour... peut-être acquérir le joueur. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'était en pourparler entre les deux clubs. Nantes aussi qui active son mercato, qui espère récupérer des joueurs prochainement pour évidemment renforcer l'effectif. On rappelle Nantes qui a perdu sa match sa préparation sur un match amical face à Laval 3-0 et qui attend évidemment de nombreuses recrues. Donc le retour de Moutoussami notamment, Ganago, Mostafa Mohamed aussi qui a intégré le groupe, qui a repris le chemin de l'entraînement. Donc donc pour Nantes aussi ça bouge. Gundogan, on le rappelle aussi donc au Barça, ça on l'a donné tout à l'heure. Busquets aussi qui ira du côté d'Inter Miami, voilà, qui continue aussi son marché de transfert, qui avec Messi qui sera aux côtés de Busquets. Voilà, notamment du côté des transferts. Pas grand chose encore, hein. C'est encore assez court pour le moment, mais ça continuera tout au long du mois de juillet, du mois d'août aussi, ça va encore évidemment beaucoup bouger, mais pour l'instant c'est vrai que c'est encore assez faible. Et puis tiens, Patrick Vieira aussi, vous rappelle qu'il a démarré avec Strasbourg, son nouveau club. Strasbourg qui a démarré par une victoire face à Hoffenheim. Donc 2-1. Et donc début réussi pour Patrick Vieira au sein de son nouveau club. Et donc aussi une nouvelle arrivée du côté de Strasbourg avec l'arrivée donc de Jesse Deminguer qui est arrivé de Caen. Et puis aussi Abakar Sila, c'était 20 millions d'euros à Bruges et qui lui n'était pas sur la feuille du match en revanche pour cette première rencontre, mais qu'on aura l'occasion de voir jouer. 20 millions d'euros quand même pour Strasbourg, c'est une belle somme, et on aura l'occasion de le voir jouer prochainement aussi avec Strasbourg et donc son nouveau coach Patrick Vieira. Voilà pour les quelques infos transferts, hein. C'est, je vous le disais, pas grand chose pour l'instant. On aura d'autres choses la semaine prochaine. On aura le retour aussi de Hugo qui pourra refaire un flash comme ça chaque semaine avec les nouveautés des transferts. Évidemment. Et puis d'ici là, évidemment, il y aura le début du mondial. On en reparlera juste après puisqu'on va évoquer maintenant l'agenda de la semaine pour terminer l'émission. La semaine qui va démarrer dès demain avec... le Tour de France qui attaquera sa dernière semaine de compétition. On rappelle donc les étapes qui auront lieu. Donc demain, le contre-la-montre entre Passy et Combloux, ce sera 22 km 400. Donc demain, ce sera une des occasions déjà de grappiller quelques secondes pour Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard, ce sera donc demain. Et ensuite il y aura des autres étapes avec de la montagne encore. Vous pouvez se dire que les montagnes c'était terminé. Non, il y aura encore pas mal d'étapes de montagne jusque là. Avec Saint-Gervais-Mont-Blanc-Courchevel, ce sera mercredi. Moutier-Bourg-en-Bresse jeudi. Moirans-Montagne, Poligny vendredi. Belfort. Le Mark Steinfellering, ce sera samedi. Et enfin, pour finir comme d'habitude, Saint-Quentin, Yvelines, Champs-Élysées, pour clôturer ce Tour de France avec encore des possibilités pour Vingegaard de conserver son maillot jaune, mais pour Pogacar aussi de reprendre ce maillot jaune. On le verra, en tout cas, ce sera jusqu'à dimanche. Donc ça, Tour de France, dernière semaine. Football, donc, on aura, je vous le disais, encore quelques, pas mal de matchs amicaux tout au long de la semaine. Le début de la Coupe du Monde féminine aussi, hein. Alors, le premier match, le match d'ouverture, Nouvelle-Zélande-Norvège, ce sera le 20 juillet. C'est-à-dire jeudi à 9h, match d'ouverture. Voilà, donc, et puis les Bleues, elles, joueront un petit peu plus loin, un peu plus tard, puisqu'elles sont dans le groupe F. Ce sera le 23, donc dimanche, midi, France-Jamaïque, ouverture pour les Bleues de leur Coupe du Monde. À suivre, et puis lundi, on débriefera évidemment tout ça. Voilà pour le foot, et puis ça continuera aussi du côté du mercato, bien entendu, toute la semaine, avec un point lundi prochain. Pas de rugby pour l'instant, pas de compétition. Voilà, ce sera une pause pour tout le monde. On aura, je vous disais, tennis, quelques petits tournois dans la semaine. Rien de gros pour l'instant, puisque tous les cadors sont au repos. Mais il y aura quand même quelques petits tournois tout au long de la semaine. Et puis même chose en ce qui concerne le basket et le handball, pas de compétition tout au long de cette semaine. À suivre par contre le retour de la Formule 1 avec un Grand Prix qui aura lieu dimanche en Hongrie. Voilà. Il y aura ensuite la Belgique et puis après il y aura une pause jusqu'à fin août. Donc encore deux Grands Prix avant la grosse pause. Donc Hongrie dimanche et puis Belgique la semaine suivante. On rappelle que Max Verstappen reste pour l'instant sur une série de 6 victoires consécutives. Donc il est plus que jamais en tête du général et voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose à craindre. En rallye aussi, c'est la reprise de la compétition avec le rallye d'Estonie qui aura lieu du jeudi jusqu'à dimanche. Voilà, ce sera la suite de cette saison de championnat du monde des rallyes. Puis en MotoGP, on rappelle que c'est toujours la pause jusqu'à aussi la fin du mois d'août. Évidemment, il y aura le retour des Grands Prix dont on parlera d'ici là. Et puis, on n'a pas évoqué, mais en athlétisme, ça continue aussi hein, la saison sur la Ligue de Diamants. C'était aussi les mondiaux par athlétisme tout au long de la semaine hein, et avec de nombreuses médailles. Mais sinon, c'est le retour du meeting de Monaco qui aura lieu vendredi. Voilà, ce sera le prochain meeting de cette Ligue de Diamants. Et on aura l'occasion d'en reparler. Puis hier, victoire d'Armand Duplantis, encore le Suédois sur le meeting de la Perche, sur le concours de la Perche, qui s'est imposé avec encore une barre à plus de 6 mètres, 6-0-1. Sam Kendricks a terminé deuxième, 5-91. Et en revanche, Renaud Lavillenie n'était pas présent pour ce meeting. Et donc Monaco, ce sera le rendez-vous de vendredi. Voilà le programme qui vous attend pour cette fin de semaine. Plein de choses encore. Donc lundi prochain, on va se retrouver à nouveau à 19h30. Voilà pour une émission voilà qui sera entre 1h et 1h30. Voilà, on verra en fonction du programme. Ça, c'était un petit peu plus court, je vous le disais, il y a moins de choses. Et puis la semaine prochaine, donc 19h30 à nouveau pour un nouveau numéro de l'arrêt d'arc du sport de l'été. Et on sera avec Hugo qu'on va retrouver d'ici là. On va se quitter avec les Daft Punk et Get Lucky. On vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour la suite. D'ici là, bonne semaine et vive le sport. Ciao. All night to get some. We're up all night for good fun. gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. E diz que bem que faz sinais de fome.